rappe le quartier, on a salivé. Y'a même la Jota qui m'a validé. On mérite plus que la SACEM d'Alidé. Parce que nous, on a tout le quartier à aider. On m'a dit picolé, t'es quelqu'un qui écoute, ils ont pas rigolé. C'est des bipolaires et même en picola. J'suis bien seule, j'ai pas envie qu'on me colle. Y'a pas qu'à Marseille que c'est la cata. Y'a pas qu'à Marseille que ça vient te voler ta zarga. C'est pareil de Vinicius jusqu'à la Puenta. C'est pareil de Borny à Grenoble jusqu'à Senga. Et vers le Mirail, y'a pas trop de miracles. La ville rose a été noircie par les attirails. On met le feu comme à la paillade. Après la victoire du Maroc, la ville est en pagaille. C'est pas joli comme la Zupanim. Ça sent la mort, les appels anonymes. Chez nous, c'est les petits qui te font trembler. Naked comme Baraquette à Roubaix. Tous les quartiers unis contre la France et ses souffrances. Elle nous a abandonnés, jetés aux oubliettes depuis l'enfance. On a nous dans le bloc pendant que la PAC n'est pas. Si la PAC était, elle nous mangerait. Mais quand elle n'y est pas, elle nous mangera pas. Elle nous jalera pas, elle nous jugera pas. Que des têtes cassées, faut pas paniquer. La ville les a un peu niqués, piqués. C'est pas des gars friqués. Ils ont perdu la tête, faut pas voler leur briquet. Ici y'a Beauclerc, y'a Pau et Ben. Mais on s'aime, c'est la même jusqu'à BXL. Ça sort du bloc vêtu de noir avec le cache-nez. C'est pas pour rigoler, ça s'équipe jusqu'à Olney. Piqué pas besoin, dans le check on a pas le bac. La zone est minée, du coup la tension est palpable. Ça expliquera peut-être pourquoi tous les mois on enterre. On a perdu la raison jusqu'à Nanterre. C'est pour le 6-7, 06 au 5-7. Le 1-3-31, le 7-9 et le 7-7. On a goûté la haisse, on veut goûter la jet set. Mais ils nous ont jeté les reins, ils font des fixettes. On a nous dans le bloc pendant que la PAC n'est pas. Si la PAC était, elle nous mangerait. Mais quand elle n'y est pas, elle nous mangera pas. Elle nous jalera pas, elle nous jugera pas. Marseille, Paris, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes, Montpellier et Strasbourg, Bordeaux, Lille, Rennes et Reims, Saint-Étienne et Toulon, Le Havre, Angers, Dijon, Aix, Saint-Quentin, Brest, Le Mans, Amiens et Tours, Limoges, Clermont-Ferrand, Villeurbanne, Besançon, Metz, Perpignan, Orléans, c'est la nuance. Je tiens à donner toute ma force à toutes les prisons de France, à toutes les personnes enfermées, loin de leur famille. Je tiens à dire un grand merci à ceux qui me soutiennent aussi. Je donne toute ma force à tous les quartiers de France, toutes les cités oubliées. Je vous souhaite la paix à tous et n'oublie pas une chose. Tant qu'on a le bon Dieu avec nous, ça ira.